J'ai pas la prétention de dire que je suis parfait, mais faut se remettre en question parce que personne n'est parfait. Je mets ma personnalité à nu, je me réveille comme celui qui en rêva sans se prendre une claque sur la nuque. Je ne viens pas justifier les torts que j'ai, ni me vanter de tous ces ennemis que j'ai bien pu torcher. Écorchés ont été les cœurs de mes proches quand ma mauvaise foi me vendait à prix sale pour se remplir les poches. Le pardon me coûtait trop cher, voilà pourquoi ma fierté me fumait petit à petit sur des saupères. Et sont partis les gens qui avaient de l'estime pour ma pomme qui pourrissait comme l'intérêt de mes rimes. À leur égard, leur regard me donne la force. Je le dis et je le répète, ils me protègent comme le fait l'écorce. Mais je ne laisserai jamais personne se tromper sur mon cas, car dans le fond, qui est-ce qui me connaît aussi bien que moi? On m'a reproché que mes textes ne me ressemblaient pas parce que mes agissements contredisent mes mots et leur poids. Très bien, mais alors ai-je tort en empêchant ma vie d'artiste d'enterrer dans un trou obscur ma vie d'adolescent? Un morceau c'est comme un enfant, faut l'assumer. Et au final faut-il finisse par être notre portrait craché? Parfois faut entrer en conflit pour les réaliser. Être entière avec moi même est-ce un manque de sincérité? J'ai rien à vous prouver, ne me prouvez rien sur ma personnalité. Bien sûr que tu as pu me trouver en chien. Prends ma main, n'était pas un appel à l'amour, mais une déclaration à celle qui viendra me porter secours. Je ne veux pas toutes les essayer car elle existe. Elle m'attend aussi, je sais qu'on se retrouvera, elle est unique. Elle sera sur le terrain de mon bonheur avec du ciment et des briques pour enfermer mon cœur, pour qu'enfin elle soit à l'abri. En attendant, c'est vrai que j'ai su en profiter, mais je n'ai pas perdu et j'ai toujours en moi les valeurs du respect. J'assume mes paroles et mes actes, alors fais-toi plaisir. En parlant, t'as la bouche aussi sale que les rumeurs que tu fais courir. Je prétends être un homme car je parle de sentiments. Maintenant tu me connais, tu sais que je viens pas de la rue mais des champs. Je veux pouvoir me regarder dans la glace en me levant, mais par-dessus tout je veux pouvoir faire face au regard de mes enfants. Si je te mets le doute alors ne t'arrête pas sur mon cas, trace ta route car moi je ne serai pas là à me justifier si je te dégoûte ou bien si je te déçois. J'ai affaire avec moi-même alors écoute le son de ma voix. Si tu veux apprendre à me connaître et faire avec comme les miens, ou bien si tu veux grogner ou même aboyer comme les chiens, tu peux même souhaiter mon échec parce que je t'ai fait du tort. Laisse-moi 5 minutes de rap pour voir moralement qui sera le plus fort. Je suis comme tout le monde, je suis qu'un homme en phase d'évolution, donc au final je suis qu'un gosse. Donc laissez-moi avec mes rêves et mes dérives qui prendront enfin un jour ou l'autre comme les chapitres d'un livre. J'ai pas la prétention de dire que je suis parfait. Personne n'est parfait, le monde veut qu'il soit refait. On est tous là à se plaindre de son sort, alors que chaque jour est une guerre pour être le premier qui s'en sort. Chaque album comporte les traits de mon visage, et chaque thème que j'aborde contient la vue que j'ai sur le paysage. Tempérament agressif selon les gens, mais sachez qu'un soldat en guerre n'est pas forcément méchant. Je mets ma personnalité à découvert, pas comme certains qui veulent mettre leur vrai visage à couvert. Un man ouvert avec un cœur qui a souffert, à cause d'eux on dit mais tant pis, je me dis que j'ai su faire la part des choses, ce texte est personnel. Et si je l'ai écrit c'est parce que je sais que personne n'aime. Comment penses-tu pouvoir m'attaquer? J'ai tout mis sur une feuille, même mon micro est intrigué parce que j'ai à rapper. J'écris ces mots comme si c'était les derniers, sombrer mon cerveau comme si la lumière s'éteignait. Je me suis moi-même déçu, je me suis attardé sur des futilités jusqu'en écrire dessus. Alors comme ça je suis bon à rien gros, demande à tous ces gens qui ont cliqué sur ma vidéo. Des centaines de milliers de supporters, tu dis que tu ne peux plus me voir alors que je serai sur tes posters. Je suis pas venu régler des comptes, mais d'un simple coup de plume je suis venu recadrer des comptes. Une révolution intérieure est née, Track et Sofiane sont les opposés d'une même personnalité.